depuis que je sais que tu existes, je ne conçois plus la vie sans toi. Si mes yeux sont de moins en moins tristes, c'est parce que tu m'as tendu les bras. Avant toi, j'avais perdu mon rire, comme un oiseau perd sa liberté. Et tu es venu sans rien me dire, décidé à me faire oublier. Si je te demande de vivre auprès de moi, c'est que mon cœur tremble chaque fois que je te vois. Si je te demande de partager mes jours, c'est que d'être ensemble, j'ai retrouvé l'amour. Si j'ai tellement besoin de tendresse et de ces mots qui parlent de nous, c'est de n'avoir jamais connu l'ivresse d'un sourire qui arrange tout. Avec toi, tout semble si facile. Il me suffit de tenir ta main. Ensemble, j'y retrouve.